je m'aime exactement comme je suis, sans besoin de me conformer aux attentes des autres. Troisième affirmation. Je ne peux ni changer le passé, ni prédire le futur, mais je peux toujours faire de mon mieux, ici et maintenant. Je ne peux ni changer le passé, ni prédire le futur, mais je peux toujours faire de mon mieux ici et maintenant. Quatrième affirmation. Pour mon bonheur et celui des autres, je pratique la parole impeccable. Il ne m'est pas utile de dire du mal de moi-même ou des autres. Pour mon bonheur et celui des autres, je pratique la parole impeccable. Il ne m'est pas utile de dire du mal de moi-même ou des autres. Cinquième affirmation, c'est quand je donne, sans rien attendre en retour, que je crée le plus de bonheur pour moi-même et mon entourage. C'est quand je donne, sans rien attendre en retour, que je crée le plus de bonheur pour moi-même et mon entourage. Sixième affirmation. Je vais boire de l'eau, manger des fruits et des légumes, marcher, prendre les escaliers. Bref, aujourd'hui, je fais du bien à mon corps. Je vais boire de l'eau, manger des fruits et des légumes, marcher, prendre les escaliers. Bref, aujourd'hui, je fais du bien à mon corps. Septième affirmation. Ma réalité devient magique quand je confronte mes peurs et que je fais confiance à la vie. Ma réalité devient magique quand je confronte mes peurs et que je fais confiance à la vie. Huitième affirmation. Parce que ça fait du bien à mon cerveau et à mon entourage, je souris le plus souvent possible. Parce que ça fait du bien à mon cerveau et à mon entourage, je souris le plus souvent possible. Neuvième affirmation. L'écoute active, parsemée de questions sincères, est le plus beau cadeau que je peux faire à mon entourage. L'écoute active, parsemée de questions sincères, est le plus beau cadeau que je peux faire à mon entourage. Dixième et dernière affirmation. Tout ce que je vois en l'autre, le bon comme le mauvais, est également en moi. Tout ce que je vois en l'autre, le bon comme le mauvais, est également en moi. Pense maintenant à une personne que tu es reconnaissant d'avoir dans ta vie. Appelle en toi la joie que tu ressens quand tu passes un moment privilégié avec cette personne. Et de toutes tes forces, envoie maintenant de l'amour à cette personne et souhaite-lui que tu sois heureux, que tu sois en bonne santé, que tes rêves se réalisent. Que tu sois heureux. Que tu sois en bonne santé, que tes rêves se réalisent. Quand tu seras prêt, tu pourras. pourras progressivement sortir de la méditation, doucement prendre conscience de tout ce qui t'entoure, telles que les couleurs autour de toi, les bruits ambiants et le poids de tes vêtements sur ton corps. J'espère que cette méditation t'a été agréable. Je te souhaite une excellente journée. À bientôt.